ma haine. Mais un jour perturbé, intrigué, pour toujours subjugué par ta beauté, je fis ta connaissance sans pour autant te donner toute ma confiance. Tu as pu effacer mes craintes comme le ferait Royo à pain. Je suis ton pinceau qui peaufine tes dessins et ta taille si fine. Kaoulé là à côté de moi, il sera la foule dans ou peine, dans ou joie. Bébé dans mon cœur, un sentiment il dégage. Sans ou mon cafri de mon cœur la frie. Il est comme un oiseau sans aile, sans arc-en-ciel après la pluie. Couler mon soleil en plein orage. Il va défendre la flotte de notre amour fané. Si la vie décide un jour que l'ifane. Kaoulé mon bébé, mon adoré, à jamais. Kaoulé mon bébé, mon adoré, mon aimé. Marchons ensemble dans cette rivière, ouais, oui, ça plan l'amour. Car avec nous, c'est là, les sans retour. Amour au début flou, de l'aiguille devenue clou. Nous cessons de grandir jour en jour. Nous cessons de grandir jour en jour. Nous cessons de grandir jour en jour. Tout en me promenant dans la vallée des fleurs, je t'ai aperçu, brillant, tu as fait battre mon cœur. T'appartiens désormais, faisons ce que tu veux. Car ton amour suffit pour faire de moi le plus heureux. Instant love, tendresse, dédié à ma star qui brille dans mon âme. T'es la lumière d'un phare, avec mes airs de lascar. J'avais le cœur dur, tu as su m'apprivoiser. Tu as su m'attendrir, je suis ton as de trèfle qui pique ton cœur. L'amour s'est installé et a fait notre bonheur. L'avenir, le futur désormais s'ouvre à nous deux. Et tout l'amour que j'éprouve, tu pourras lire dans mes yeux. Balade avec vous, mon doudou, qui rend la main fou. Balade avec vous, balade avec vous, mon doudou, qui rend la main fou. Qui rend la main fou, balade avec vous, mon doudou, qui rend la main fou. Balade avec vous, mon doudou, qui rend la main fou. Balade avec vous, mon doudou. Balade avec vous.